Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille. Heureux de vous retrouver à l'antenne de la Radio Sonore à Québec, CKRL, le 89.1, qu'on retrouve aussi à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver. Je vous propose ce soir, en reprise, une heure de magnifique sonorité en compagnie de l'artiste, musicienne, compositrice et exploratrice sonore Ida Toninato, dont on entend les échos sonores dans le thème sonore de l'émission. On dit d'Ida Toninato qu'elle est guidée par un fort désir d'immersion dans le son. Son jeu au saxophone est inattendu, électrisant, et ses performances sont d'une grande sensibilité. J'ai eu la chance de la rencontrer en 2021. À Québec, entre deux accalmies virales, une rencontre chaleureuse, bourrée d'intelligence, à l'image de sa démarche et de son travail artistique. Alors voilà, parole ce soir à l'artiste Ida Toninato. Ida Toninato, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer. Bonjour Gaëtan, très heureuse de te rencontrer aussi. Ida, tu es une musicienne, compositrice, performeuse, je dirais ça comme ça. Et j'aimerais ça connaître un peu ce qu'a été comme le moment d'éveil dans ta carrière, d'éveil à l'expérimentation sonore. Parce que je décode que tu as une formation probablement classique, que tu as travaillé dans le monde de la musique classique en tant que telle. Et puis là, il y a ce revirement, cette rupture peut-être par rapport à cet univers-là. Et là, il y a tout ce volet de l'expérimentation-là. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Quand est-ce que tout a commencé? Écoute, c'est une bonne question. La réponse qui me vient instinctivement, je pense assez tôt dans mon apprentissage du saxophone. Tu sais, comme le saxophone, il y a effectivement un cursus de musique classique, mais c'est pas vraiment un instrument qui fait partie de cette période de l'histoire de la musique. Donc on aborde quand même très tôt le répertoire contemporain, avec des techniques étendues, des multiphoniques, des slaves, des techniques percussives avec les clés, des suraigus. Et c'est un univers sonore qui m'a toujours interpellée depuis que j'ai commencé à entendre ça, que j'entendais mon prof en faire. J'ai toujours été curieuse. Et curieuse aussi d'en faire. Puis quand je suis rentrée au conservatoire à Strasbourg, j'ai eu beaucoup envie de collaborer avec des compositeurs qui étaient dans le département de composition en musique contemporaine. Et donc c'est un parcours qui s'est fait vraiment à travers les collaborations avec des compositeurs pour découvrir qu'est-ce que l'instrument avait dans le ventre. Puis comment est-ce qu'on pouvait pousser telle technique plus loin, c'était quoi toute la palette de sons qu'on pouvait aller chercher. Et pendant un bon bout de temps à Strasbourg, ça a été principalement en musique instrumentale pure. Et quand je suis arrivée à Montréal, à l'université, donc pour faire ma maîtrise, et puis après mon doctorat, j'ai eu un coup de foudre pour le département de musique électro-acoustique. Et c'est là que j'ai commencé à expérimenter plus avec des bandes, de la spatialisation, du traitement en temps réel. Donc à chaque fois, c'était de rentrer dans l'univers d'un ou d'une compositrice, puis de me familiariser avec la manière dont ils entendent le son, comment est-ce qu'ils traitent le son dans l'espace, la diffusion, la propagation, tout le discours musical qui se créait avec ça. Et puis je pense que ça a mené quand même assez naturellement à travailler dans des espaces réverbérants. Donc je suis passée de systèmes de diffusion sous haut-parleur à des endroits qui avaient de la réverbération dans lesquels j'allais jouer pour voir qu'est-ce que l'espace disait en retour. Il y a tout de même cette particularité que ton instrument de travail, en tout cas, demeure le saxophone. Et ça, c'est peu courant, je dirais, dans le domaine, dans ce domaine de l'expérimentation sonore en tant que telle ou de l'expérimentation musicale. Est-ce que j'ai raison ou je me trompe? Ben, je ne sais pas. Je crois qu'on expérimente avec les outils qu'on a dans notre boîte à outils. Moi, c'est le saxophone, principalement le saxophone baryton. Ça fait quelque temps que j'ai pas touché d'autres saxophones parce que on dirait que c'est le seul qui me parle depuis quand même assez longtemps. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont des démarches expérimentales avec leurs instruments respectifs, que ce soit un piano, une boîte à rythme. Je crois que ça définit plus une attitude d'esprit peut-être ou une curiosité, une spontanéité qu'un style. Ida, si tu veux, pour donner une belle idée aux auditeurs du travail que tu fais, on va écouter un extrait de cet album qui s'intitule Strangeness of Gratitude. Ingratitude. Et on écoute ça et puis on revient ensemble sur ton parcours artistique, ta démarche. Thank you. Ida, on vient d'entendre une pièce de ce projet qui s'intitule Strangeness is Gratitude. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre? Parce qu'il est tout de même mystérieux, un peu énigmatique, il est très beau. Je ne saurais pas trouver la traduction française. Ben, tu sais, cet album-là, c'était... Je pense qu'il est né... L'idée en est née dans au cours d'une résidence à l'église du Jésus, à Montréal, qui a... Je ne me rappelle plus, je pense que c'est entre 4 et 7 secondes de réverb. Ben, plutôt 4, quelque chose dans le genre. Et c'est là que je me suis dit, ah, je vais travailler avec la réverb, puis c'est ça qui m'a permis de revenir à un matériel musical beaucoup plus simple que ce que je faisais en musique contemporaine écrite. Et je pensais que j'allais l'enregistrer là-bas, donc à l'église. Puis, à la même époque, j'avais des répétitions dans un bâtiment dont je ne peux pas donner l'adresse parce que je n'avais pas l'autorisation d'y aller. Et je me suis promenée dans la cage d'escalier. Puis j'ai remarqué que dans la cage d'escalier, il y avait beaucoup de réverbération. Puis je suis montée, touc, touc, touc, touc, touc, et j'ai atterri dans un étage où il n'y avait rien du tout. Comme un espèce de 2000 pieds carrés de béton, avec rien, avec pas de mur, avec juste des baies vitrées tout autour. Là, j'ai continué à développer les compositions et j'ai invité des amis à venir l'enregistrer. Donc la gratitude, ça fait vraiment beaucoup partie de cet album pour avoir un espace dans lequel j'ai pu aller un peu incognito, tu sais, à des heures indues de la nuit. La gratitude d'avoir des gens avec qui collaborer, qui ont enregistré, puis qui m'ont prêté leurs oreilles pour me dire comment est-ce qu'eux, ils entendaient le son dans l'espace, à telle distance, qu'est-ce qui fonctionnait bien. Tu sais, ça a vraiment été un dialogue avec les preneurs de son. Puis l'étrangeté, bah, parce que ça s'est fait au hasard d'un détour d'une cage d'escalier dans un endroit un peu étrange, un peu à la marge. Donc j'ai juste collé les deux mots ensemble, puis voilà. C'est un beau titre et on va en écouter un autre extrait de cet album qui est magnifique, qui est ton premier album, n'est-ce pas? Oui. Alors on écoute ça. Avec des signes cette fois. Oui. Or, un signe, petit pied, un autre signe. Je sais actif, d'accord? Ok. Thank you. Ida, on vient d'entendre un autre extrait de ton premier album, Strangeness is Gratitude. Tout ça lié au travail que tu fais en collaboration avec les gens qui t'environnent, tout ça. Sur le plan de la création en tant que telle, qu'est-ce qui est crucial pour toi dans ton travail de compositrice? Quand tu crées une œuvre, qu'est-ce qui t'alimente? Comment ça démarre, un projet de création dans ton univers? Comment ça se passe? Ah, merci de poser la question, Gaëtan. Je sais pas. Je sais pas si c'est à chaque fois la même chose, mais c'est sûr qu'il y a des sons que j'aime beaucoup explorer, comme par exemple, j'adore le registre grave. Mais je te dirais que c'est souvent un dialogue, soit avec un son que j'ai envie d'approfondir ou de creuser, ou alors avec un collaborateur, une collaboratrice, comme par exemple le projet qu'on a fait avec Pierre-Luc Lecourt. Un dialogue avec un espace, avec l'acoustique et la sonorité d'un espace, un dialogue avec une idée. Mais je crois que l'étincelle à chaque fois est différente. Écoute, on va aborder un deuxième album que tu as produit qui s'intitule We Become Giant. Giants au pluriel, je pense, ouais. N'est-ce pas? Et on va écouter cette pièce et on revient sur cet album en tant que tel parce qu'il y a derrière ce titre un projet fort intéressant. Alors, on écoute un extrait de cet album, We Become Giants, et on revient. Thank you. Eh bien, voilà ce qui complète la première demi de ma conversation avec l'artiste Ida Toninato. Restez des nôtres, je suis de retour avec Ida après un bref, très bref battement promo. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. On est de retour, c'est l'accroche-oreille jusqu'à 22h depuis les studios de CKRL à Québec, le 89.1 sur votre poste radio. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site l'accroche-oreille ainsi que les quelques 400 émissions archivées jusqu'à maintenant. Au programme ce soir, une conversation menée en 2021 avec l'artiste sonore, compositrice et performeuse Ida Toninato autour de quelques-uns de ses récents albums et de ses collaborations avec Pierre-Luc Lecourt et Jennifer Thyssen notamment. Après s'être frottée au répertoire classique contemporain pendant quelques années, la saxophoniste Ida Toninato s'est investie à l'exploration du monde sonore à travers ses avatars musicaux, poétiques et performatifs. Ses récents albums « Strangeness is Gratitude » et « We Become Giants » en sont de beaux exemples. Ida est titulaire d'un doctorat en interprétation de l'Université de Montréal et elle demeure très active sur la scène musicale et expérimentale du Québec. On poursuit donc ensemble l'écoute de ma rencontre avec l'artiste et musicienne montréalaise Ida Toninato. Thank you.

Qu'est-ce qui t'inspire, Ida, dans le travail de création, au sens très large, là? Est-ce que tu es à l'écoute de ce qui se passe autour, ou dans le domaine artistique, est-ce qu'il y a des démarches qui sont pour toi là, le reflet de ce qui t'amène à créer des œuvres, soit musicales, soit sonores? Je pense que c'est un petit peu ce qui se passe autour, ce qui se passe à l'intérieur. Puis je crois que c'est surtout un désir de communication et un désir de proposer des choses à expérimenter. Tu vois, l'année dernière, j'ai commencé à m'intéresser à la réalité virtuelle parce que pour moi, c'est un médium vraiment fantastique pour inviter les gens à rentrer dans les espaces dans lesquels je vais enregistrer et pour les inviter à s'approprier aussi le son, à comprendre les trajectoires du son, puis à inscrire leur curiosité ou leur spontanéité à l'intérieur de l'œuvre pendant qu'ils interagissent avec. Donc c'est... Je pense que c'est, pour moi, c'est un désir d'expérimentation et de vivre des choses. Puis c'est un besoin fondamental de les communiquer et de proposer ces choses-là autour de moi. Ouais. Et le travail de collaboration demeure important tout de même pour toi dans tout ce processus. Je pense à tes collaborations. On t'a parlé de ton ingénieur de son, le travail que tu as fait avec Jennifer Thyssen, entre autres. C'est important, ça, d'avoir des complicités. Ah oui, ça, c'est crucial, phénoménal et irremplaçable. J'ai une collaboration avec Jennifer Thyssen, donc qui joue l'alto et la viole d'amour. J'en ai une avec Anna Dallaramayac, qui fait des électroniques. Blaise, comme je te le disais, c'est un de mes collaborateurs préférés, réalisateur de studio. J'en ai une avec le cinéaste Frédéric Dallaire-Tremblay, avec Chantal Dumas. Parce qu'en fait, chaque collaborateur est tellement unique et apporte sa manière aussi d'entendre et de créer le son et d'interagir avec. Et à chaque collaboration, je me sens plus riche, plus ouverte aussi à toutes les possibilités qu'il y a dans le sonore. Ida, tu as réalisé un projet récemment, une performance et aussi un accompagnement, je dirais, dans le cadre d'une exposition de Cynthia Girard-Renard. Ça se passe à la Fonderie Darling. Et c'est un projet qui me semble être un peu en parallèle de ton travail de compositrice ou d'interprète, de performeuse. J'aimerais que tu m'en parles un peu de cette expérience performative, je vais dire ça comme ça. Alors, à la base, c'était censé être une performance, mais à cause de, tu sais ce qui s'est passé l'année dernière, ça a été une pièce électroacoustique, donc qui a juste été diffusée sur le web. Donc, c'est une pièce qui s'intitule Écoutez les abysses. Non, Écoutez les profondeurs. Ça s'appelle Écoutez les abysses. Et ça a été une commande de la commissaire Ji Yoon Han, donc de la Fonderie Darling, à l'automne et à l'hiver 2020-2021, à la Fonderie, il y avait une exposition de l'artiste Cynthia Gérard-Renard, qui s'intitule « Les cétacés du Saint-Laurent ». Et c'est une exposition donc sur les cétacés avec une reproduction, entre autres, à grandeur nature, d'une baleine à bosse. Donc il faisait toute la Fonderie Darling, je sais pas si t'es déjà allé là-bas, mais c'est comme un rectangle, c'est vraiment fait sur la longueur. Puis la baleine prenait quasiment toute la longueur de la Fonderie. Magnifique, en papier mâché. Et Ji-Yoon Han m'a proposé de faire une œuvre qui répondait un petit peu à cette exposition des cétacés du Saint-Laurent. Puis moi, j'ai trippé sur la baleine parce que j'adore les baleines. Et donc, j'ai pu avoir accès à la Fonderie et à lire comme un espèce de dialogue, plus de l'ordre de la perception avec cette baleine que j'ai passé beaucoup de temps à regarder, à observer, à marcher en dessous, à regarder dans les yeux. Et j'ai écrit une œuvre qui s'appelle donc « Écouter les abysses » avec beaucoup de sons, des sons de souffle, des sons de battement de cœur, dans laquelle j'avais envie d'emmener l'auditeur de plus en plus profond dans l'océan. Donc c'est une pièce qui est très dense, très dans les graves, très texturée, avec comme un espèce de souffle qui de temps à autre s'emballe, parce que c'est l'exposition de Cynthia Gérard-Renard fait beaucoup référence à la pollution, puis à la manière dont on est en train de démolir la faune océanique. Et donc dans cette pièce, il y a comme une espèce d'angoisse perpétuelle d'arriver à respirer, non, d'aller de plus en plus profond, d'être quelque part, puis tout d'un coup, hop, d'être entouré d'un espèce de souffle dont on ne sait pas trop d'où il vient. Et c'est, je pense que c'est un petit peu le début d'une autre page dans ma carrière, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de composer plus de manière électroacoustique, électronique. Je me forme sur des logiciels, puis j'ai envie de savoir diffuser de la musique sur un système de son. Donc c'est, je pense que c'est peut-être la première pièce d'une aventure que j'espère longue. Ouais, c'est ça, un prolongement du travail au saxophone qui débouche finalement sur de longues respirations et puis des beaux moments d'attente aussi. On va en écouter un extrait de ce projet intitulé « Écouter les abysses ». Ida, pour compléter notre belle rencontre d'aujourd'hui, évidemment que la pandémie s'achève, les spectacles reprennent graduellement. Est-ce qu'il y a des projets pour toi qui s'amènent, soit en termes de diffusion, en création? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie artistique? Il se passe plein de choses. Mais je te dirais, le prochain rendez-vous, ce serait le 4 février à la Société des arts technologiques à Montréal. Avec Pierre-Luc Lecourt, nous allons reprendre le spectacle qu'on a fait à Mutec cette année. Donc c'est une œuvre qui s'appelle Inner Seas, les mers intérieures. Pierre-Luc qui joue de la guitare électrique, des synthétiseurs et qui fait de la vidéo audio-générative, et moi au saxophone. Donc c'est une œuvre qu'on est vraiment très heureux de reprendre parce qu'on l'a créée en résidence à Avatar, à Québec, cet été. On a bûché comme des malades, puis on est tous les deux vraiment très très fiers de cette performance-là et très heureux de la reprendre le 4 février pour le plaisir de vos oreilles à la Société des arts technologiques à Montréal. Ida, on ne ratera pas ça. Je vais le rappeler aux auditeurs et puis on va en écouter un extrait pour clore l'émission. Alors, grand merci de m'avoir accordé cette belle rencontre. Merci beaucoup à toi, Gaëtan. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste sonore et musicienne Ida Toninato. Grand merci à Ida de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres qu'on retrouve sur les plateformes Dragon's Eyes Recording, Cool and Stuff et Bandcamp. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Voilà, au microphone, depuis les studios de CKRL, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.